Parlons énergétique, renforcement endocrinien. Le mot vibration est trop astralisé. Ah, ben là, c'est bien dommage, mais il y a une réalité vibratoire dans l'univers. Toutes les vibrations, tout. Même Tesla avait, tu sais, c'est le secret de l'univers, le vibratoire. Puis, on va aller vers des technologies qui redécouvrent ça, puis ça va devenir des faits scientifiques. Les ondes radio, puis ces choses-là, au fond. Juste, même une fois que vous quittez une physique des particules, à un moment donné, il y a juste des ondes. C'est en partie ça, le vibratoire aussi. Donc, vibration et trou astralisé, oui, parce qu'il charrie de la mémoire de tous les gens qui parlent de vibration, comme les madames ésotériques qui sont dans des boutiques de cristal qui disent ah, les bonnes vibrations. L'énergie, elle n'est pas polarisée à la base. Donc, bonne, mauvaise, parce qu'ils sont dans la polarisation de leur mental. C'est de la spiritualisation, oui, à ce niveau-là. Mais moi, je n'ai rien contre le vibratoire. C'est la clé. C'est l'ultime réalité. C'est partie ça, le réel. Puis, pour comprendre ce qui est densifié, il faut voir au-delà et intégrer les lois de ce qui est au-delà. Donc,